Gunneril empoisonne alors sa sœur cadette. Mais quand on découvre qu'elle voulait aussi tuer son propre mari, Albany, elle se suicide. Edmond, accusé de trahison, est tué par Edgar, qui se fait enfin reconnaître. Mais comme Edmond avait donné l'ordre de pendre Cordelia, faite prisonnière en même temps que son père par les Britanniques, Cordelia meurt. Et quand on amène son corps à Lyre, celui-ci expire à son tour, en présence d'Edgar, de Quint et d'Albany, qui avaient ordonné qu'on lui amène le corps des deux sœurs. Albany, montrant les quatre cadavres, conclut ainsi la tragédie. « Emportez-les d'ici. Notre soin présent est un deuil général. Edgar et Quint, amis de mon cœur, tous deux gouvernaient ce royaume et soutenaient l'état délabré. Il nous faut subir le fardeau de cette époque, dire ce que nous sentons, non ce que nous devrions dire. Les plus vieux ont le plus souffert. Nous qui sommes jeunes, nous ne verrons jamais tant de choses. Nous ne vivrons jamais si longtemps. » Ils sortent au son d'une marche funèbre.